إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bienvenue à tous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite et vous préserve. Comme cela a été annoncé, à partir d'aujourd'hui, nous allons étudier un épître concis dans le domaine de la jurisprudence, qui n'est d'autre que l'épître sur les prosternations de la distraction de l'éminent savant Al-Sheikh Al-Uthaymin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter dans cela et de nous accorder la sincérité. Al-Sheikh Al-Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde, commence son épître en disant « Bismillahir Rahmanir Rahim » au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, a commencé son épître par la basmala. Et il faut savoir que les savants ont divergé à son sujet. Certains sont d'avis que c'est un verset qui fait partie de chaque sourate, tandis que d'autres sont d'avis qu'elle fut révélée pour séparer les sourates. Et ceci est l'avis le plus juste. C'est-à-dire que la basmala fut révélée pour séparer les sourates et ne fait pas partie de la sourate, hormis de la sourate les fourmis, car la basmala fut mentionnée dans la sourate. Et cet avis est celui qui regroupe les preuves, car nous avons des preuves indiquant que la basmala fait partie de la sourate et d'autres indiquant qu'elle n'en fait pas partie. L'imam Muslim rapporte, d'après Anas ibn Malik, qu'Allah l'agré, un jour le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était parmi nous, quand il s'assoupit un instant, puis releva la tête en souriant. Nous demandâmes, qu'est-ce qui te fait rire au messager d'Allah? Il répondit, une sourate vient de m'être révélée. Il récita alors la basmala, puis surat al-Kawthar. Donc dans ce hadith, la basmala fut mentionnée avec la sourate. Mais dans d'autres hadiths, ce n'est pas le cas. L'imam Muslim rapporte, d'après Abu Huraira, radiallahu anhu, qu'Allah l'agré, qu'Allah le Très-Haut a dit, « J'ai divisé la prière entre mon serviteur et moi en deux parties. » Et mon serviteur aura ce qu'il demande. Ainsi, lorsqu'il dit « Louange à Allah, le Seigneur de l'univers », Allah le Très-Haut répond « Mon serviteur m'a loué ». Donc dans ce hadith, la basmala n'a pas été mentionnée. Par conséquent, beaucoup de savants ont tiré de ces preuves que la basmala est un verset du Coran, mais qu'elle fut révélée pour séparer les sourates. Et les savants ont pour habitude de commencer leur livre par la basmala. Ils agissent ainsi pour prendre exemple sur le Coran, car toutes les sourates du Coran commencent par la basmala, hormis sourate le repentir. Et les savants ont divergé en trois avis quant au délaissement de la basmala dans sourate le repentir. Le premier avis est que sourate le butin, qui est la huitième sourate, et sourate le repentir, qui est la neuvième, sont considérés comme une seule sourate, car dans sourate le butin, on y trouve la mention du pacte qui fut conclu avec les mécréants, et dans sourate le repentir, la levée de ce même pacte. Le deuxième avis est que la basmala est une miséricorde et une sécurité. Et sourate le repentir commence par le désaveu et la levée de la sécurité. Et il n'y a pas de corrélation entre la miséricorde et le désaveu. Par conséquent, sourate le repentir ne commence pas par la basmala. Toutefois, cet avis est faible, et la preuve de cela réside dans le premier verset de Surat al-Mutaffifin. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Waylul lil mutaffifin »« Malheur aux fraudeurs !» Donc cette sourate débute par la basmala, malgré qu'elle commence par le malheur, et qu'il n'y a pas de corrélation entre la basmala qui est une miséricorde et le malheur. Par conséquent, si on se base sur l'argument mentionné précédemment, Sourate al-Mutaffifin ne devrait pas commencer par la basmala. Pourtant, c'est bel et bien le cas. Le troisième avis est que la basmala ne fut pas mentionnée au début de Sourate le Repentir, car les polythéistes ne l'ont pas acceptée. Lorsqu'elle fut écrite dans le traité d'Al-Hudaybiyah, par conséquent, elle ne fut pas mentionnée au début de la sourate, car elle parle d'eux. Cependant, l'avis le plus connu, et qu'on retrouve le plus souvent dans les livres, est que l'absence de la basmala dans Sourate le Repentir est due au fait que Sourate le Butin et Sourate le Repentir sont considérés comme une seule sourate. Également, les savants commencent leur épître par la basmala pour prendre exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car il commençait par la basmala lorsqu'il envoyait des lettres au gouverneur pour les appeler à l'islam. L'imam al-Bukhari et Muslim rapportent, d'après Abu Sofyan, qu'Allah l'agré, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya une missive à Héraclius, l'empereur byzantin. Et cette missive commençait par « Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux de Mohammed, messager d'Allah, à Héraclius, empereur des Byzantins. » Ainsi les savants nous disent que commencer les choses importantes par la basmala est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on peut même dire que c'est une sunna des prophètes en général. Car le prophète Suleyman alayhi salam a commencé par la basmala lorsqu'il envoya une lettre à la reine de Saba. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans sourate les fourmis: قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Ô notable, une illustre missive m'a été remise. Elle provient de Suleyman qui dit: Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ensuite, l'auteur nous dit « Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. » Donc l'auteur ici poursuit par louer Allah subhanahu wa ta'ala. Car ceci est la voix des savants. En effet, il loue Allah subhanahu wa ta'ala après avoir mentionné la basmala. Toujours pour prendre exemple sur le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car dans le Coran, certaines sourates commencent par la louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme c'est le cas de sourate la caverne. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja » Louange à Allah qui a révélé à son serviteur le livre qui ne se détourne aucunement de la vérité. Et dans certains versets, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne de le louer. Comme c'est le cas dans sourate les fourmis. Allah subhanahu wa ta'ala dit « قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ » Dit « Louange à Allah et que le salut soit sur ceux de ses serviteurs qu'il a élus. Allah n'est-il pas meilleur que ce qu'il lui associe ?» Et il fut rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah aime les louanges et les éloges. L'imam al-Bukhari et Muslim rapportent, d'après Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'est personne qui aime l'éloge autant qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il a fait sa propre éloge. Et il n'est personne qui soit plus jaloux qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il a interdit les turpitudes apparentes et cachées. » Ensuite, l'auteur nous dit « Que la paix et le salut soient sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a transmis avec clarté, ainsi que sur ses proches, ses compagnons et tous ceux qui les suivent à la perfection jusqu'au jour dernier. Beaucoup de gens ignorent un grand nombre de règles qui régissent les prosternations de la distraction durant la prière. Certains les délaissent lorsqu'elles sont obligatoires. D'autres se prosternent quand il ne faut pas. Certains aussi font ces prosternations avant la salutation, alors qu'elles doivent être faites après et vice-versa. Ainsi, la connaissance de ces règles est indispensable, surtout pour les imams que les gens prennent pour guides. J'ai donc voulu présenter à mes frères quelques règles concernant ce chapitre, en espérant d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il en fasse profiter ses croyants adorateurs. Ici l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous explique la raison pour laquelle il a écrit cette épître. Et il est très important de savoir que les causes pour lesquelles les savants écrivent des livres sont souvent de deux types. Le premier est qu'on va leur poser une question et ils vont répondre avec l'écriture d'un épître. De ce fait, tu trouveras que beaucoup de livres de savants d'antan sont issus de questions. Et ces questions sont de plusieurs catégories. La première catégorie est lorsque le questionneur demande au savant d'écrire un livre sur un sujet bien précis. Et souvent cette demande est due au trouble qui pouvait y avoir concernant le sujet en question. Ce fut le cas pour le livre intitulé « Al-Aqidatu al-Wasitiyya » de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Car un homme du nom de Rida ad-Din, originaire de la ville de Wasit en Irak, venait voir Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah pour se plaindre de l'ignorance et de l'injustice des gens de son pays. Puis il demanda à Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah de lui écrire un livre dans la croyance qui sera une base pour ses proches. Et Cheikhoul Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, écrivit cette épître et se répandit en Irak, en Égypte, au Yémen et dans d'autres pays. La deuxième catégorie est lorsque le questionneur demande l'avis des gens de science sur un sujet précis. Puis la réponse se fait par l'écriture d'un livre, comme ce fut le cas pour le livre intitulé « Al-Fatwa Al-Hamawiyya Al-Kubra » de Cheikhoul Islam Ibn Taymiyyah, car un groupe de personnes de la ville de Hama en Syrie se sont rendus en Égypte pour voir Cheikhoul Islam Ibn Taymiyyah, et le questionnaire sur l'avis des jurisconsultes et des imams de la religion concernant les textes traitant des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. La troisième catégorie est lorsque le questionneur questionne quant à un problème personnel ou une chose par laquelle il est éprouvé, et le savant répond par l'écriture d'un épître, comme ce fut le cas pour le livre d'Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, Péché et guérison. La quatrième catégorie est lorsque le questionneur questionne un savant quant à sa croyance, comme ce fut le cas de Cheikhoul Islam Ibn Taymiyyah, qui fut interrogé quant à sa croyance, et il répondit par le poème connu intitulé Al-Lamiyya. C'est pour cette raison qu'il dit dans le premier vers de ce poème: Ya sa'ili an madhhabi wa aqidati ruziqa al-huda man lil-hidayati yas'alu. Ô toi qui m'interroges sur ma voie et ma croyance, que soit pourvu de la guider celui qui interroge afin d'être guidé. Également parfois, les savants écrivent des épîtres, non pas parce qu'on les a questionnés, mais plutôt car ils constatent que la communauté a grand besoin d'un éclaircissement dans un sujet bien précis. Et ceci nous montre clairement que les savants de la Sunna savent ce dont les gens ont besoin, non pas comme le prétendent certaines personnes parmi les gens de l'innovation et certains faibles d'esprit, car certains d'entre eux affirment que les savants de la Sunna ne savent pas ce dont les gens ont besoin, ou encore qu'ils ne se soucient pas de l'état de la communauté. Et toutes ces paroles, chers auditeurs, ne sont que mensonges et fabulations, même si elles sont mentionnées haut et fort et répétées à longueur de journée. Sachez que le faux sera toujours considéré comme tel, même si ses adeptes le répètent et le crient haut et fort. Et il dit ce genre de paroles car les gens de la Sunna ne participent pas aux manifestations comme le font certains frères musulmans, de même qu'ils ne passent pas leur temps à observer ce que font ou ne font pas les gouverneurs pour ensuite les dénigrer. Ces gens-là aimeraient que les gens de la Sunna parlent souvent de l'actualité, telle que ce qui se passe en Palestine ou dans d'autres pays musulmans, car selon eux, la communauté musulmane a besoin de tout ça. Par conséquent, ne pas parler de ces sujets mentionnés précédemment est une preuve selon eux que les gens de la Sunna ne comprennent pas la réalité des choses et qu'ils sont déconnectés de la réalité. Néanmoins, il est très important que tout le monde sache que le prêche des gens de la Sunna est basé sur le Coran et la Sunna, et non pas sur ce que veulent les gens. Comprenez bien cela, chers auditeurs. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, les gens de la Sunna savent exactement ce dont la communauté a besoin, Car comme l'a dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, alayhi rahmatullah, dans son livre intitulé Menhaj Sunna, les gens de la Sunna sont ceux qui sont les plus savants de la vérité et les plus miséricordieux envers les gens. C'est pour cela que l'unicité est prioritaire dans leur prêche, car la réforme de la communauté passe par cela. Il passe par le retour à la croyance authentique, loin des innovations et du polythéisme. Lorsque les gens reviendront vers Allah subhanahu wa ta'ala, en l'adorant seul sans rien lui associer, et lorsqu'ils s'attacheront fermement à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah donnera la suprématie aux musulmans. Et nous avons plusieurs preuves dans le Coran qui nous indique cela. Et en guise de rappel, nous allons nous contenter de mentionner deux de ces preuves qui seront amplement suffisants, incha'Allah ta'ala, pour celui qui est doué de raison ou qui prête attentivement l'oreille à l'exhortation. La première preuve est le verset 11 de Sourate le Tonnerre. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim » Certes, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Et la deuxième preuve est le verset 55 de Sourate la Lumière. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. Allah a promis à ceux d'entre vous qui croient et accomplissent des œuvres pieuses de leur donner le pouvoir sur terre comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés, de donner force et suprématie à la religion qu'il agrée pour eux et de les faire passer de la crainte à la sécurité. Ceci car ils m'adorent et ne m'associent rien. La chose la plus dangereuse pour notre communauté est ni la famine, ni l'inflation, ni les épidémies ou autres. Le plus dangereux, c'est que la croyance des musulmans soit touchée par des choses qui annulent leur foi ou la diminuent. Et en tête de cela, nous trouvons le polythéisme. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam craignez le plus pour les compagnons le polythéisme. L'imam Ahmad ibn Hanbal, qu'Allah lui fasse miséricorde, rapporte, d'après Mahmoud ibn Labid al-Ansari, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ce que je crains le plus pour vous, c'est le polythéisme mineur. » C'est pour cela que les gens de la sunna se concentre sur la croyance authentique, car c'est ce dont les gens ont le plus besoin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la bonne compréhension de sa religion. Ensuite, l'auteur nous dit les prosternations de la distraction. Il s'agit de deux prosternations que le prieur doit accomplir pour corriger les défauts commis lors de la prière pour cause de distraction. Ici, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous définit les prosternations de la distraction en nous disant qu'il s'agit de deux prosternations que le prieur doit accomplir pour corriger les défauts commis lors de la prière pour cause de distraction. Et ces deux prosternations sont identiques à celles de la prière, c'est-à-dire qu'il faut faire le takbir pour chaque prosternation. De même, quand on se relève, Et entre les deux prosternations, on doit dire Rabbir Firli, Seigneur, pardonne-moi. Néanmoins, selon certains jurisconsultes, il est recommandé que les prosternations de distraction et l'assise entre elles deux soient plus longues que les prosternations pendant la prière, conformément à ce qu'a fait notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants ont mentionné plusieurs sagesses de la prosternation de distraction. Parmi elles, la première sagesse est que les prosternations de distraction est une humiliation pour le diable, car il est la cause de l'oubli et de la distraction. La deuxième sagesse est de remédier au manque survenu dans la prière. Et la troisième sagesse est de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala en corrigeant l'adoration qui lui est vouée. Quant au jugement des prosternations de distraction, les savants ont divergé à ce sujet. Certains sont d'avis qu'elles sont obligatoires, tandis que d'autres sont d'avis qu'elles sont uniquement recommandées. Toutefois, l'avis le plus juste est qu'elles sont obligatoires. La preuve de cela réside dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam : je ne suis qu'un homme comme vous, et j'oublie tout comme vous oubliez. Si l'un de vous oublie, qu'il accomplisse deux prosternations. Et le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim. Le point important qu'il faut retenir de ce hadith est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné d'accomplir deux prosternations en cas d'oubli. Et les savants nous disent que la base est que l'ordre indique le caractère obligatoire de la chose ordonnée. Ensuite, nous allons voir à quel moment doit-on accomplir les prosternations de distraction. Doit-on les accomplir avant ou après les salutations? Quant à cette question, il faut savoir que les savants sont unanimes sur la permission d'accomplir les prosternations de distraction avant ou après le salam. Ibn Abd al-Barr et Al-Qadi Iyad, qu'Allah leur fasse miséricorde, ont rapporté l'unanimité des savants quant à ce sujet. Néanmoins, les savants ont divergé quant au meilleur moment. Par conséquent, certains savants sont d'avis que le prieur a le choix entre accomplir les prosternations avant ou après le salam. Néanmoins, il incombe à celui qui dirige la prière de regarder l'intérêt des fidèles. Et comme le disent certains de nos mashayikh au Yémen, leur intérêt est que l'imam se prosterne avant le salam, car beaucoup d'entre eux ne connaissent pas les règles relatives aux prosternations de distraction. Ainsi, se prosterner après le salam peut être la cause d'incompréhension. Ensuite, l'auteur nous dit « Les causes de ces prosternations sont au nombre de trois, l'ajout, la diminution et le doute. » Ici, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous mentionne que les prosternations de distraction ont des causes. Par conséquent, on ne se prosterne pas pour n'importe quelle raison. Et ceci nous montre qu'il faut étudier ce sujet pour savoir les raisons pour lesquelles il faut accomplir les prosternations de la distraction. Par la suite, l'auteur, rahimahullah, va nous expliquer ces différentes causes, et nous verrons ça demain, incha'Allahu ta'ala.